Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radioactive pour une nouvelle édition de Je peux pas, j'ai patrimoine, émission coproduite avec nos amis de l'équipe du Pays Loire Touraine, Pays d'Art et d'Histoire, qui vous propose de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local et ses beaux décors qui nous entourent. Aujourd'hui, c'est avec Anna Brisson, guide conférencière pour le Pays Loire Touraine, dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire, qui est à mes côtés. Bonjour Anna. Bonjour Marlène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Anna, aujourd'hui au programme de cette édition, le programme justement du mois de décembre, et puis on parlera également des vacances de Noël. Ah oui, on vous a programmé tout plein de choses très très différentes pour cette fin d'année 2024. On va commencer par un événement. C'est vrai que c'est une action inédite qu'on a décidé de vous proposer au milieu du mois de décembre, le 15 décembre, c'est un dimanche après-midi, un ciné-mémoire pour commémorer ensemble les 80 ans de la libération en Touraine. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer à cette occasion ? Alors déjà, on s'est dit que c'était la bonne période pour s'installer en salle. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de vous emmener en extérieur pour des visites, mais là, il commence à faire un petit peu plus frais, parfois un petit peu plus gris. Donc, c'est une action en salle sur la commune d'Athée-sur-Cher. Et là, on va vous proposer des projections en fait, de films anciens, des archives cinématographiques, mais pas n'importe quelles archives. Déjà, la thématique, vous l'aurez compris, c'est la libération, les 80 ans de la libération qui seront mis à l'honneur lors de cet après-midi. Et les films, eh bien, ce sont des films amateurs, des cinéastes amateurs qui ont réalisé ces films et qui ont eu la très très très bonne idée de les verser chez notre partenaire Cyclic. Il s'agit de films qui sont en Touraine. Oui, c'est ça. En fait, c'était toute l'idée. On commémore la libération en Touraine en vous montrant des archives cinématographiques qui concernent la Touraine, qui concernent notre région. Donc, des cinéastes amateurs qui sont établis en Touraine, qui ont filmé chez eux, peut-être dans leur village ou dans leur hameau, la libération. Donc, ils ont décidé de partager ces films avec l'agence régionale Cyclic, qui effectivement va collecter, conserver et valoriser le patrimoine cinématographique. Donc souvent, quand on va les voir avec un film sur pellicule, alors ça peut être par exemple du Super 8, hein, du 8 mm, eh bien on leur confie cette précieuse petite bobine, ils vont la numériser, ils vous en rendent bien sûr la copie originale plus la copie numérisée et en conserve une copie numérisée qui va rentrer dans un fond et on va pouvoir aller entre guillemets piocher dans ce fond pour proposer ces archives cinématographiques. Elles font partie du patrimoine, c'est notre histoire à nous toutes, à nous tous, ça nous a forcément touchés. Alors notre génération peut-être pas, mais nos parents, nos grands-parents par exemple, c'est une histoire collective qu'on partage tous et c'est un moment à destination plutôt joyeuse, de commémoration joyeuse qui vous est proposée. Il n'y a pas très longtemps, on avait justement reçu Monsieur Rock sur cette antenne qui nous avait parlé de la ligne de démarcation, évidemment, et des animations qui avaient été mises en place déjà pour les 80 ans de la libération en Touraine. Oui, en effet, Marlène, en fait, cette action du Pays Loire Touraine en collaboration avec Cyclic, elle est aussi proposée, c'est très important, en collaboration avec une association qui est l'association HMVC. Voilà. Et oui, Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. Donc, Monsieur Rock fait partie, bien sûr, de cette association. C'est une association très active qui travaille énormément sur l'histoire de la vallée du Cher, comme son nom l'indique. Et vous avez raison, moi-même, j'ai souvenir, il y a 2 ans maintenant, d'avoir participé à une de leurs manifestations. Ils m'avaient demandé de mener une randonnée le long de la ligne de la démarcation pour les Journées européennes du patrimoine. Je peux vous dire que j'étais suivie par 200 personnes. Je n'en croyais pas mes yeux de voir tout ce monde intéressé par ce sujet. En même temps, c'est tellement intriguant. C'est ça. Oui, oui. Et puis surtout, aujourd'hui encore, c'est parfois ténu à certains endroits de bien marquer et montrer où était la ligne de démarcation. Mais cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle intéresse, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde. Je pense qu'on a passé les années pour lesquelles le sujet pouvait encore être parfois tabou. Et donc, on commence à pouvoir, de manière plus simple, s'y intéresser. Et du coup, bah, oui, vraiment, tout le monde s'y intéresse. C'est un sujet aussi qui intéresse, par exemple, les lycéens d'Amboise, hein, qui sont venus vers nous, vers le Pays Loire-Touraine, pour voir un petit peu ce que c'était que cette Seconde Guerre mondiale à Amboise. Donc là, la libération... C'est la fin, donc c'est plutôt la partie, comme je le disais, plus sympathique, plus joyeuse en tout cas pour les habitants de ces villages qui ont été fortement, fortement touchés et impactés. Et donc l'association SMVC, elle a fait appel à nous une fois encore pour monter ce projet de ciné-mémoire à deux avec l'aide de Cyclic. En tout cas, on imagine vous retrouver, vous, Anna, avec Monsieur Rock, des passionnés férus, amoureux d'histoire. Je pense que les discussions seraient interminables. Hein. Ah, alors on aimerait bien. Cette fois-ci, vous aurez chance de voir, là, ce dimanche 15 décembre, ma collègue Lauriane Kell, qui est déjà intervenue pour Je peux pas, j'ai patrimoine, qui est la chef de projet du PAI d'arrêt d'histoire, pour qui la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, était un de ses sujets de prédilection durant ses études. Mmh. Voilà. Donc, c'est elle qui s'est proposé de monter le projet et d'animer avec l'équipe d'HMVC l'après-midi du 15 décembre prochain. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est gratuit. Oui, ah oui, oui. Mais vous le savez, nous, le Pays Loire-Touraine, on essaie d'avoir une politique tarifaire assez basse, en tout cas. Et quand on le peut, bien sûr qu'on participe à des événements gratuits. Les grands rendez-vous du ministère de la Culture, les rendez-vous au jardin, les journées européennes du patrimoine, les journées nationales de l'architecture, bien sûr. Mais quand on est sollicité par les communes ou par les associations pour mener de gros projets, bien sûr, on est ravis d'y participer et de proposer des animations gratuites, puisqu'on le sait, c'est important, les porte-monnaies sont parfois resserrées pour tout le monde, donc de temps en temps, avoir des propositions culturelles, historiques, gratuites, c'est important. Et puis gratuit, juste avant Noël, c'est du pain béni. Ah. Alors par contre, il est quand même fortement conseillé de réserver, même si la salle peut accueillir quand même un certain nombre de personnes, cette salle des fêtes René Bessé. Oui, exactement, la salle René Bessé sur la commune d'Athée-sur-Cher, c'est vrai qu'il y a de l'espace. Là où c'est sympathique de réserver, c'est que ça nous permet, nous aussi, d'installer la salle en fonction. Si vous êtes 70 ou 150, bah ça ne nous prend pas forcément le même temps d'installation. Oui, donc, ça permet d'engager un meilleur investissement de la salle, en tout cas de mieux se projeter et de bien installer tout pour bien vous accueillir. La réservation, elle se fait sur le site internet du Pays Loire-Touraine, www.paysloiretouraine.fr. C'est facile, dans le petit onglet billetterie. Et ce sera donc le dimanche 15 décembre à 16h pour une durée d'environ 2h. Tout à fait. Une immersion dans notre histoire locale. Eh bien, très bien. Eh ben, on évoquait Noël à l'instant, Anna. Donc, on pourrait enchaîner sur la musique qui va suivre. Alors, Anna l'a choisi parce que, évidemment, à chaque émission, on propose à notre interlocuteur de choisir son titre. Et aujourd'hui, c'est avec Elvis Presley qu'on va faire la pause en musique, Anna. Oui, alors moi, j'aime beaucoup les chants de Noël, de tout type, hein, que ce soit des chants traditionnels ou un petit peu moins traditionnels. Et puis, j'aime bien aussi le rock. Donc là, ça combine les deux avec Santa, Bring My Baby Back to Me. Voilà, ça me fait plutôt sourire. C'est une chanson plutôt pour les adultes, mais rien de grivois, rassurez-vous. Mais voilà, c'est joyeux, c'est Noël, et puis c'est quand même le king. C'est Elvis. On y va, on écoute. Celebrate my baby back to me. Celebrate my baby back to me. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready. The candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Please make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, don't fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Please make this reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas. I'll let my baby see. Oh, but don't make me feel my their sock with candy. No bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, yeah, I plead. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back. Then Santa, yeah, I plead. Santa, bring my baby back to me. Et oui, Elvis Presley, du rock et de la joie pour Noël, c'est le choix de Anna Brisson. Anna qui est guide conférencière pour le Pays Loire Touraine dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire. Anna qui nous parle, en tous les cas qui nous a parlé juste avant, Elvis Presley et son titre. Santa bring my baby back to me. Oh, c'est tellement bien dit quand c'est Anna qui le fait. Qui nous a parlé du ciné-mémoire des 80 ans de la libération en Touraine. Donc notez bien dimanche 15 décembre à 16h pour participer à cette animation d'une durée de 2 heures qui est gratuite et qui se déroulera à Athée dans la salle des fêtes René Bessé. Et à présent, nous allons parler des vacances de Noël, justement. Et oui, oh, c'est quand même une période qui nous intéresse tous. Souvent, il y a des enfants, des petits-enfants qui voyagent, qui vont chez leurs parents, chez leurs grands-parents. Et donc, on a des petits-enfants qui cherchent de quoi s'occuper pendant les vacances. Alors, nous, avec Camille Touleland, Lauriane Kell, l'équipe du Pays d'Art et d'Histoire, eh bien, on vous propose de participer à 2 actions différentes à la toute fin des vacances. Oh, parce qu'on sait bien qu'autour du 24 et 25 décembre, il y a les repas, les cadeaux, on est très occupés. Oui. L'agenda est booké. C'est ça, puis on remet le couvert avec le 31 au soir. Oui, souvent le premier, on se repose. Donc à la fin des vacances scolaires, on a imaginé 2 actions qu'on vous propose sur le territoire. On commence avec un atelier. Un atelier qu'on a appelé Bâtisseur du Moyen-Âge et on a décidé de le mener cette année pour ses vacances de Noël sur la commune de Céré-la-Ronde. Mmh. Alors vous voyez, le territoire du Pays Loire-Touraine, il s'étend de Courset, je pense, au sud-ouest, la commune la plus au sud, jusqu'au nord de Château-Renaud, les Ermites-la-Ferrière. Là, on va au sud-est. C'est la commune vraiment qui est le plus au sud-est du territoire, mmh. Céré-la-Ronde. Très, très, très jolie commune, très vivante, très active. Et on va, pour cet atelier bâtisseur du Moyen-Âge, décomposer l'activité en 2 temps. On commence avec Camille Touleland, qui est chargée de l'action éducative, avec qui je travaille très régulièrement. On va commencer par proposer aux participants, les enfants et les accompagnateurs, les parents s'ils le souhaitent, de visiter l'église. Alors cette église, elle est placée sous le vocable, sous le nom de Saint-Martin. C'est un nom qu'on connaît quand même très très bien en Touraine. Hein. Et cette église, elle est remarquable de par ces différentes périodes de construction. Quand on entre dans l'église, moi je sais, c'est ce qui m'a marqué la première fois que je suis entrée, on entre par la porte ouest, la façade occidentale, la façade principale, et devant nous, on a la nef, le vaisseau, la partie qui accueille les fidèles. Quand vous regardez le sol, il est un petit peu incurvé, en courbe, comme une grande, grande, grande gouttière. Le sol n'est pas plat. Et oui, ça c'est très spécifique. En fait, c'est une église qui accueillait de nombreux pèlerins et les pèlerins passaient la nuit dans l'église. Mais le lendemain matin, il fallait pouvoir nettoyer et pour nettoyer facilement, tout simplement, on envoyait des seaux d'eau, on passait le balai et en fait, ce sol en forme de gouttière, de rigole, permettait d'évacuer facilement l'eau de nettoyage de l'église où avaient dormi les pèlerins. Donc ça, c'est déjà une première petite particularité. On va avoir des stalles magnifiques. Alors les stalles, vous savez, ce sont ces sièges de bois qui sont souvent positionnés par groupe les uns à côté des autres, les uns même fixés aux autres. Mmh. Ils ne sont pas placés dans le même sens que les sièges réservés aux fidèles, c'est-à-dire que souvent ils ne regardent pas en direction de l'autel devant eux, l'autel est sur le côté. Mmh. Ces sièges sont souvent placés le long des murs latéraux et ils étaient réservés aux membres du clergé. Et là, on a des sièges remarquables, des stalles remarquables. Quand on les soulève, cette partie qui se soulève s'appelle la miséricorde. Eh bien, les miséricordes, elles sont sculptées, remarquables. Et puis, moi, j'aime bien ces sièges parce que souvent, ils nous permettent d'expliquer aux enfants que les membres du clergé qui assistaient à de nombreux offices chaque jour étaient fatigués de devoir se lever et s'asseoir sans cesse. Et alors, la miséricorde relevée permet d'avoir une position. On est à la fois assis, le bout des fesses est posé sur une partie en bois, mais on n'est en même temps pas complètement assis puisqu'on paraît presque debout. Donc c'est la position debout assis en même temps pour ne pas trop peiner lorsqu'il faut être debout pendant les différents offices. Voilà. On va avoir un très beau décor sur le côté nord, sur la façade nord de l'église, un très beau décor Renaissance à remarquer absolument. Et puis, eh bien, des beaux vitraux également. Oh, et petite particularité, j'y pense là juste à l'instant, c'est une église aussi où il ne faut pas manquer de jeter un petit coup d'œil au chemin de croix. La particularité de ce chemin de croix, c'est que c'est un chemin de croix art déco réalisé dans les années 1930 par une artiste femme. Voilà. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Les femmes à l'honneur. Il faut le mentionner. Bon, alors par contre, ça c'est la première partie, la visite. Ensuite, il y a la partie atelier. Donc on se rassemble dans une salle qui nous est prêtée, bien sûr, par la municipalité, puisque toutes les actions sont menées en collaboration avec les municipalités, les communes qui nous reçoivent. Et donc là, on va s'installer avec nos maquettes d'architecture, nos maquettes pédagogiques. Ah. Alors Marlène, vous les avez déjà vues ces maquettes? Je les ai déjà vues à l'occasion de Mone en fête. Et alors, ça passionnait les enfants. Et pas que d'ailleurs. Oui, même les grands, on a vous aimez bien les manipuler. Du coup, on va avoir deux maquettes d'arc en plein cintre, qu'on appelle aussi un arc roman. Donc, vous savez, c'est l'arc en demi-cercle, celui qu'on va retrouver sur le pont du Gard, le Colisée ou l'aqueduc de Luynes. Celui où il y a la clé au-dessus. Exactement. Mais j'ai retenu des choses, bravo. Pas tout, mais j'ai retenu. et en fait, à la période romane, en France, on va complètement copier le style des Romains. Donc on va copier cet arc en plein cintre et ça va être vraiment l'identité architecturale de cette période 11e et 12e siècle. On va avoir également une maquette d'architecture avec une voûte sur croisée d'ogives. Alors là, c'est la période suivante. On est toujours au Moyen-Âge, mais plutôt dans la dernière partie du Moyen-Âge. C'est l'architecture gothique. Mmh. En fait, on s'arrange pour faire porter les forces, les masses des voûtes sur des parties très spécifiques du mur, uniquement sur des piliers, plus sur toute la surface murale. Ça va permettre de créer des percements, des baies plus grandes dans les murs et surtout, eh bien, d'installer un petit peu plus tard des vitraux. Et puis, on va avoir aussi, justement, en parlant de vitraux, une dernière maquette qui représente une travée gothique. Alors, le terme travée en architecture, il est très important et très utilisé. Ça représente un élément vertical. Par exemple, prenez, je ne sais pas moi, une mairie. Vous avez au centre la porte d'entrée, peut-être quelques marches, et puis au-dessus, au premier étage, une fenêtre. Ça forme une travée. Vous avez souvent une fenêtre à gauche, et puis au-dessus de cette fenêtre à gauche, une fenêtre à l'étage. Ça forme une deuxième travée, puis la même chose de l'autre côté. Voilà, on parle de travée, ce sont les éléments verticaux qui se répètent. Pour l'architecture des églises, c'est la même chose. Quand on est à l'intérieur d'une église, on peut voir les piliers qui vont permettre de distinguer les différentes travées. Et au-dessus de notre tête, pour chaque travée, la plupart du temps, c'est une voûte sur croisée d'ogives. Donc, c'est un motif architectural vertical qui se répète. Et donc, on a une travée gothique, comme ça, également en maquette. Et puis, ce qui est sympathique, c'est que le maquettiste nous a réalisé deux petites portions de plexiglas qui représentent les vitraux à disposer dans la baie de notre maquette. Voilà. Des maquettes qui sont absolument superbes, très très belles, très bien réalisées, puis qui attirent forcément les enfants, mais comme je le disais, pas que, parce qu'on a aussi envie, nous les adultes, de manipuler les maquettes. Elles sont là vraiment pour ça, on les aime beaucoup et le service les a commandées il y a plus de 10 ans maintenant et elles ont toujours un grand, grand, grand succès. On est toujours aussi fiers de les présenter et de les faire manipuler aux petits et aux grands. Donc ça, c'est pour Serrer la Ronde, mais il y aura également un rendez-vous à Mont-Louis, le 4. Oui, c'est ça. Alors, Serrer la Ronde, c'est le vendredi 3 à 14h30 et le lendemain, samedi 4 à 14h30 aussi, comme ça c'est facile de se souvenir. Mmh. On se donne rendez-vous à Mont-Louis-sur-Loire, cette fois-ci pour une visite uniquement, mais une visite qu'on a appelée visite en famille. Ces visites-là, elles visent en même temps le public des plus petits et des plus grands, avec un vocabulaire adapté pour les plus petits et puis tout plein de questions. Moi, j'adore interroger les enfants. Je leur dis toujours aussi qu'on a le droit de se tromper, que ce n'est pas grave du tout. Ce qui est bien, c'est que ce soit interactif et qu'ils participent, que ce soit un moment d'échange et de partage. Mais aussi, on va avoir des moments avec un petit peu plus de vocabulaire, de contenu, ce qui va convenir aux plus grands. Donc, on peut vraiment venir parents-enfants, parents-tata-tonton, parents-marraines, parrains et enfants et grands-parents. Voilà, tout le monde peut venir assister à ces visites en famille. Et là, la thématique dans l'église de Mont-Louis-sur-Loire, c'est le vitrail. Vous vous souvenez peut-être de cette thématique qu'on avait développée l'année dernière avec une conférence. C'est vrai que c'est un thème qui m'est très cher, particulièrement cher. Donc, j'ai eu envie de proposer cette visite qui puisse convenir à un public un petit peu plus large, en incluant les enfants. Donc, on va s'attarder sur les très, très, très beaux vitraux du maître verrier Lux Fournier, qui a œuvré de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. La particularité de ce maître verrier, c'est que quand il a commencé à travailler fin 19e siècle, eh bien, il avait appris auprès de son père et de ses contemporains un vitrail très classique. Vraiment, le vitrail qui ressemble un petit peu au vitrail du Moyen-Âge, les traits de peinture sont extrêmement classiques, les plus proches de la réalité possible. Mais comme cet artiste a travaillé pendant plus de 50 ans, il a rencontré des courants de l'histoire de l'art différents au fil des décennies, des années 1920-1930, et du coup lui-même a pu réaliser des vitraux, plutôt à la fin de sa carrière, beaucoup plus modernes, avec des traits beaucoup plus géométriques par exemple, et puis des choix de couleurs encore plus chatoyants. On peut arriver dans des verres de couleur bleu turquoise, voilà, c'est vraiment très très intéressant. Donc dans une même église, on a des vitraux classiques du tout début du 20e et beaucoup plus modernes du milieu du 20e avec un même maître verrier, Lux Fournier. Je me rappelle d'une émission où Anna avait dit « Si vous traversez la commune de Cangé, surtout regardez les vitraux quand vous passez parce que c'est somptueux. » Remarquable, oui, mais il ne faut pas me lancer sur les vitraux, sinon on refait une émission juste sur les vitraux. Non, peut-être juste pour donner envie à vos auditeurs de suivre cette visite en famille. Même si c'est une visite, qu'il n'y aura pas de partie atelier en salle, j'apporterai avec moi une belle valise à roulettes. Alors une grosse valise, hein. J'aurais peut-être l'air de James Bond, je ne sais pas, une grosse valise d'aspect métallique. Et à l'intérieur, il y a une œuvre fantastique, c'est un vrai vitrail, voilà, que je sortirai de cette valise, qui a été réalisée à la demande de notre service en 2020 par un maître verrier de Touraine qui s'appelle Philippe Audou de l'atelier Page, voilà, à Lussot-sur-Loire. Donc on est allé le voir, on lui a dit « Monsieur Audou, pour nos actions pédagogiques, que ce soit en classe ou alors hors temps scolaire pendant les vacances, on parle souvent des vitraux, on aimerait bien avoir un exemple très concret à montrer de près aux enfants et aux parents. » Il a dit « Très bien, je vais vous réaliser ça, quel thème souhaitez-vous développer ?» On lui a dit, vous savez, en Touraine, on a de nombreuses églises qui sont placées sous ce vocable-là. Et puis même quand elles n'ont pas le nom, il y a souvent une œuvre qui représente ce personnage. C'est Saint-Martin. Donc pourriez-vous réaliser Saint-Martin et même plus précisément une charité de Saint-Martin? Oh, vous la connaissez sans doute. C'est cette œuvre où Saint-Martin est représenté sur son cheval. Donc c'est un soldat et devant lui, souvent à ses pieds, il y a un monsieur, un pauvre, hein, quelqu'un qui est peu vêtu, qui tend la main, qui demande l'aumône et lui, Martin, sur son cheval, avec son épée, s'apprête à couper son manteau, sa cape en deux parties. Cette scène s'appelle la charité de Saint-Martin, c'est ce qu'on a commandé à monsieur Audou. Il nous l'a réalisé, puis là par contre je vous laisse la surprise, il nous a demandé à ce que soit laissé sur le vitrail un petit espace pour lui, un espace créatif dans lequel lui voudrait parler de cette notion de charité. Donc à vous de venir découvrir le vitrail pendant la visite et de voir ce que monsieur Audou a souhaité montrer concernant le thème de la charité. Le samedi 4 janvier à 14h30 et ce sera à Montlouis-sur-Loire. Oui, alors pour ces deux actions, à Serré-la-Ronde le vendredi 3 janvier ou à Montlouis-sur-Loire le samedi 4 janvier, il suffit de réserver très simplement sur le site internet du pays, encore une fois, www.paysloiretouraine.fr. Pour l'atelier, la participation pour les enfants est de 5 euros, c'est gratuit pour les accompagnateurs. Par contre, pour la visite en famille, là c'est un petit peu l'inverse, c'est 5 euros pour les grands, mais c'est gratuit pour les enfants. Bon, il y a toujours une politique, il y a un moment c'est gratuit pour quelqu'un. Voilà, pour que ce soit le plus accessible possible. Donc il y en a pour les bâtisseurs et il y en a pour le plaisir des yeux et du vitrail, dans tous les cas, de l'histoire, du patrimoine et des choses à partager tous ensemble, petits et grands. Au moment de Noël, juste après les fêtes, c'est parfait. Et en parlant de gratuité, on a eu il y a quelques temps, vous le savez, votre collègue Arnaud Poqueton, qui est venu nous parler de la sortie de l'ouvrage « L'art dans les églises » et qui nous a parlé de ses conférences. Et je crois que justement, ce n'est pas terminé. Non, alors la semaine prochaine, jeudi 19, eh bien, vous pourrez participer à la dernière des conférences. C'est un cycle de 5 conférences qui vous étaient proposées du 21 novembre jusqu'au 19 décembre. Et donc, il reste des places jeudi 19 décembre pour la conférence de Vous Vrai. Voilà, donc c'est gratuit, bien sûr. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire en ligne. C'est toujours la même démarche pour nous permettre de préparer au mieux la salle pour vous accueillir. Puis il ne faut pas la louper, hein. Si vous avez loupé les 4 précédentes, c'est la dernière. C'est à celle-là qu'il faut être. Voilà, exactement, à Vous Vrai. Ce sera au niveau de la salle Vallès-Fleur, dans la salle Lila. Voilà. Super, et bien merci Anna, on a fait le plein de dates, on a rempli notre agenda pour découvrir encore une fois tout le beau patrimoine qui nous entoure et tout le travail colossal que vous faites avec vos collègues du Pays Loire-Touraine pour mettre en valeur ces écrins d'architecture, ces écrins naturels, puisque comme je disais la dernière fois, on peut aussi parler des arbres centenaires, on a vraiment toutes sortes de sujets dans cette émission, donc c'est fabuleux. Et nous, on est toujours ravis, on aime tous les patrimoines, et puis bah voilà, à nos trois, et puis même avec Arnaud, on est quatre, tous les sujets nous touchent, il y a toujours quelqu'un qui va trouver un intérêt, même à ce qui au départ peut-être ne paraît pas séduisant. Donc on aime à valoriser tous les patrimoines pour tout le monde, toute l'année, sous toutes les formes. Ben voilà, on est en plein dedans, puis maintenant en plus on est fiers, hein, on arrive à le faire toute l'année. Mais c'est clair, et vous êtes tellement demandés, enfin je pense que vous... Il y a tellement de choses que vous proposez, c'est vraiment super. Et puis vous avez l'art d'en parler, hein, parce qu'à chaque fois on a envie. Voilà, ça donne envie. Bon bah venez nous voir, il n'y a plus que ça à faire. Bien écoutez, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Je m'excuse pour cette voix enrayée que je traîne depuis quelques jours maintenant. Merci en tout cas beaucoup, Anna, pour cette bonne humeur et toutes ces informations. Merci Marlène, merci à tous et puis bah, au plaisir de vous retrouver bientôt. À très vite, avec grand plaisir. Ce sera dans un mois pour une prochaine émission. Je peux pas, j'ai patrimoine sur Radioactive. Au revoir.